Alfred de Villemorse à Théodore Dilling, à Naples. Cher ami, cher poète, je m'en doutais bien. Ce n'est pas sans raison qu'on reste tout un été à Naples. Tu t'exprimes, il est vrai, d'une façon si discrète que je ne sais pas s'il s'agit d'une princesse ou d'une marchande d'oranges. Et si c'est la clarté de la lune à travers les oliviers, ou bien la lumière azurée d'une lampe de cristal qui est le témoin de tes félicités. Mais ce n'est qu'un détail. Ces amours en pays étranger ont un charme si particulier. Elles se terminent si naturellement. Un beau matin, on part, après avoir omis la veille de faire ses adieux. Jamais elle ne vous suit. D'abord, cela coûte trop cher. Ensuite, le traître n'en vaut pas la peine. Et enfin, on a toujours d'autres hommes sous la main. Pour ce qui est de moi, très honoré poète, je n'ai rien de nouveau à te dire, si ce n'est que je suis devenu encore plus solitaire depuis la dernière fois que je t'écris, le jour du derby. Tu sais, ce jour-là, je suis bien allé au Wurstelprater, mais c'était écœurant. Tant que les parfums et les bains de vapeur ne seront pas entrés dans les habitudes du peuple, il me sera impossible de frayer avec ces gens-là. C'est sans doute une singularité de ma part, mais je n'y puis rien. J'aimerais tant que tout le monde fût heureux. Mais je me suis souvent posé cette question. Si les heureux de la terre étaient toujours malheureux, de ce qu'il y a des malheureux, où seraient donc les gens heureux ? Heureux, c'est bientôt dit. J'appartiens à la classe de ces gens qu'on considère comme heureux. Mais en réalité, n'y a-t-il pas plus de bonheur pour tant de gens qui, avec 4 sous de Rome, peuvent acheter la joie de vivre ? Je l'avoue, en quittant le Prater, je suis allé malgré tout au Konstantinhügel. Eh oui, je comptais que le contraste agirait sur moi, et je m'efforçais d'en saisir toutes les nuances. « Fais bien attention, me disais-je. Tout à l'heure, tu t'es entouré d'hommes aux pantalons effrangés, aux chapeaux crasseux, aux voisins raillés, aux brûle-gueules culottés toute la semaine, avec dans les cheveux l'odeur faubourienne de leurs taux d'imoisie. De femmes éreintées par leur cuisine, leurs gosses et toutes leurs popotes. De filles qui, ce soir, vont se faire embrasser dans les bosquets du Prater. Et maintenant, te voilà en compagnie de beaux messieurs tirés à 4 épingles dans leur complet d'été, qui parlent doucement, qui ont pris leur bain ce matin de bonne heure, qui fument des cigarettes égyptiennes ou des cigares de 2 florins 50 et peuvent boire 12 verres de fine champagne sans en avoir le teint plus animé. En compagnie de belles dames aux ongles roses bien soignés qui portent des bas de soie noire, quelques-unes aussi les chemises de soie noire, c'est du moins ce qu'affirme Fritz, et Weidenthaler sourit d'un petit air entendu, qui embaume la violette de Parme et qui n'ont toute leur banalité que dans leur âme. Comme tout cela est joli, plein de tact, me souciant peu de leur âme, je les trouve tout simplement délicieuses. Comme je l'ai dit, je me réjouis d'avance et je monte. Là, sous une des tentes, ils sont précisément tous réunis. Fritz et son ami, Balkowski et la sienne, Weidenthaler tout seul. Ils avaient aussi amené le fameux Fellner. Tu sais bien, celui qui imite Girardi, qui chante des chansons cracoviennes et qui, en somme, est beaucoup plus drôle que ne le croient en général ses amis, à chacun desquels il doit, selon l'âge et la fortune, de 5 à 200 florins. Ainsi me voilà tout à coup au milieu de cette bande et je cherche à bien saisir le contraste. Je hume les parfums qui montent des toilettes froufroutantes de ces dames. Je frôle des petits pieds délicieusement chaussés. Tout cela, pour ainsi dire, par pur intérêt scientifique. J'écoute les chansons de Fellner, je ris et je me dis, c'est décidément un garçon charmant. Je bois dans le même verre avec la petite de Fritz, et celui-ci ne cesse de me répéter, « Allons, embrassez-vous donc, c'est ridicule ces manières entre camarades. » Et je me laisse embrasser, et je sens ses petites dents sur mes lèvres, ce qui, je crois, même entre camarades, n'est pas tout à fait indifférent. Je bois 4 petits verres de cognac prunier 6 étoiles et fume un cigare de 2 florins 80 et toujours, toujours, la même impression malencontreuse vient me troubler. Tout cela n'est décidément pas amusant, pensais-je. Il se fait tard. En bas, les voitures attendent. Dans l'une, Weidenthaler s'installe avec Malkowski et son ami et Fellner grimpe sur le siège comme si c'était très spirituel, car le pauvre garçon aurait été obligé de rentrer en ville à pied. Je monte dans la 2e voiture avec Fritz et sa dame. Elle s'assied entre nous deux. Pour continuer la fête par cette belle soirée, nous filons à toute bride vers le Lusthaus. Les allées étaient si sombres qu'il était impossible à chacun de voir son ami, et naturellement, Mitzi en a profité. Puis nous revenons et Fëanor, sur le siège, se met à chanter le chœur d'un vrai Viennois. L'appétit de Malkovski veut changer. Il faut que Bidenthaler aille dans l'autre voiture et que je vienne avec elle. Mais Mitzi ne veut pas me céder. En un mot, c'était la grande fête. Et maintenant, au Prater. Mais où? Chez Sarah, en cabinet particulier. On jouera un peu de piano et on dansera. Parfait, bah pour Sarah. Fëanor se précipite du siège, fait le valet de pied, ouvre les portières. Ces dames descendent en sautant. Le petit salon avec le piano est libre. On commande du champagne et du cognac. Weidenthaler s'installe au piano et joue une valse. Fritz insiste pour que je danse avec Mitzi fraternellement. Fraternellement. Nous valsons donc. La noble dame de Malkovski se trouve mal et se couche sur le divan. Weidenthaler la dégrafe et son corset rose fait l'admiration générale. Brusquement, elle se relève. « Ça va mieux, mes enfants. » Et on se remet à valser. Fëanor exécute des entrechats extraordinaires. Il improvise un cavalier seul. On se roule. Il imite la céréale, la Ratner et enfin Girardi. Fritz s'affale dans un coin et s'endort à moitié. Weidenthaler tape sur le piano d'un air idiot. Un garçon, l'air inquiet, apparaît à la porte. Silence général. On s'assied en groupe pittoresque autour de la table. Malkovski, très homme du monde, se lève et règle la note. On a bu du champagne et du cognac. On reboit du cognac et du champagne et la grande fête est terminée. Nous sortons tous. Les deux couples dans leur fiacre nous disent gracieusement au revoir. Weidenthaler, Fëanor et moi nous restons seuls. Nous voulons entrer encore chez Scheidl. Mais les chaises sont déjà empilées sur les tables, les garçons balayent et le gaz est à moitié éteint. Il ne reste plus qu'un café de nuit. Il faut absolument que Weidenthaler et Fëanor y fassent un tour. Je leur serre amicalement la main et les quitte. Alors commence une grande promenade solitaire tout autour du ring. Le jour commence à poindre. L'air était délicieux et je me disais « Il faut que tout ça change. Cela ne peut pas continuer ainsi. Cette société, ce ton, ce vide, ce crétinisme, non, non. Les femmes et les hommes me répugnent également. Les parfums et les bas de soie ne sont pas tout dans la vie. » Je longeais le Stadtpark. Déjà brillaient les premières lueurs du jour. Alors vinrent les souvenirs. Je pensais à ce que j'appelle l'amour de jeunesse. Je ne parle pas de l'amour platonique qui se résume en promenade au sein des fenêtres pendant qu'elle se fait épouser par un autre, parce qu'on n'a que 17 ans. Non, je parle de l'autre amour, celui qu'on dédaigne trop, le premier amour qui naît en vous, en même temps que la raison, pour une petite fille des faubourgs, qui travaille toute la journée, que l'on va attendre le soir au coin de sa rue, qu'on accompagne jusqu'au Finfaus ou à Marahilf, et qui ne désire rien de plus qu'une promenade à la campagne le dimanche, une soirée au café-concert, une place de troisième galerie pour la nouvelle opérette, ou bien un bracelet d'un florin, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Dieu que c'était beau dans ce temps-là! Des courses en omnibus en revenant au Hitting, des promenades à pied au Weidling, au fond des bois, tout au fond des bois. Oui, c'est cela dont j'ai besoin. C'est incroyable comme mon goût s'est corrompu depuis que je suis si prodigieusement à la mode et que j'ai l'ambition de posséder la maîtresse la mieux habillée de Vienne. Dieu sait à côté de combien de créatures délicieuses j'ai passé, sans même y faire attention. Et qui sait si je compterai encore pour elles qui ont besoin de beaucoup d'amour, et qui, avec leur délicat instinct de femme, auraient bien vite lu dans mes yeux et sur mon front la fatigue et l'insensibilité. Ah, si on pouvait être de nouveau un homme jeune, enjoué, amoureux, ne désirant qu'air pur, parfum des bois, que tendresse. Ah, les douces filles, elles vous reconnaissent bien, elles qui veulent le printemps et l'amour. Un beau jour, une de ces tendres créatures s'attache à votre bras, et au lieu d'une maîtresse, on possède une femme amoureuse. Ces désirs d'amour m'apprennent que je suis plus jeune que je ne le pensais. Et je me sens un peu mieux que dans ces derniers temps. Qui sait si ce n'est pas toi, avec tes amours napolitaines, qui est la cause de cette découverte que je viens de faire en moi? Il se fait tard, mon cher. Voilà 3 heures que je t'écris. Je vais descendre déambuler un peu par les rues. Qui sait, il flotte des aventures dans l'air. Par ma fenêtre ouverte, entre la brise parfumée du soir qui me rend tout bête et me rajeunit de 10 ans, peut-être en ce moment même, dans le faubourg du Funfaus ou d'Alzar, devant un méchant miroir de 4 sous, se mire une fleur au corsage, une fillette de 16 ans, qui ne se doute pas qu'elle m'est destinée. Si seulement je savais exactement dans quel faubourg, à Alzar ou à Funfaus. Ne pas avoir d'indication précise. Au revoir, ton fidèle Alfred.